De vieilles photos décolorées, de la lavande desséchée, se faufilant dans les placards, entre habits et bibelots. Un carton de plus d'objets que je ne connais pas, t'aurais dû m'en parler. Ça me souviendrait des plantes crevées, hurlant j'ai soif, des draps abandonnés et ton parfum qui reste. Ces livres de voyage et ces voyages n'ont fait cette vie à Tahiti. Où vaine tu étais, où vaine tu étais. C'est ta vie qu'on déménage, mon avis c'est pas le mien. Ces longues boucles brunes au parfum de vainé, il convenait que t'étais belle, même Satan me l'a dit. Et vogue la galère là-bas à Tahiti. Ces fleurs dans les cheveux, cette carte communiste, le bien vivre bio, cette bouffe écologique, ces mots d'amour d'enfant gardés dans le tiroir. Pour ça qui tu manques, c'est pour ça qui tu manques. Les frontières de la vie, je t'ai bien vu les franchir. Étrange souvenir de doux et doux parfum, celui de lavande et celui de Tahiti. Dans une ancienne vie, où vaine tu étais, où vaine tu étais. C'est ta vie qu'on déménage, mon avis c'est pas le mien. Ces longues boucles brunes au parfum de vaine, il convenait que t'étais belle, même Satan me l'a dit. Et vogue la galère, la bataille. Ta vie qu'on déménage, mon avis c'est pas le mien. Ces longues boucles brunes au parfum de vainé, il convenait que t'étais belle, même Satan me l'a dit. Et vogue la galère, là-bas Tahiti. C'est ta vie qu'on déménage, mon avis c'est pas le mien. Ces longues boucles brunes au parfum de vainé, il convenait que t'étais belle, même Satan me l'a dit. Et vogue la galère, et vogue la galère, là-bas, à Tahiti.